Sorgia FM. Sorgia. Dansez maintenant. Dansez maintenant. Dansez maintenant. Dansez maintenant. Dansez maintenant. Une émission proposée par Hubert Ledin. Un peu de chanson et d'accordéon. Il est venu le temps du rêve. Face à la passion. D'émotion, c'est un nouveau jour qui se lève. Des paillettes se sont mises à briller sur votre radio. Il est temps de danser maintenant. Des chansons de toute la France donneront un air de vacances à la vie qui court toujours. Le meilleur de la musique, le meilleur de la danse, c'est bien entendu dans votre émission préférée, Dansez maintenant. Sur des ritournelles, refrains éternels, on s'amuse, on rit et l'on danse. Comme une aquarelle, la vie est si belle qu'on se dit qu'on a de la chance. C'est la danse qui vous donnera le la et le tempo. À présent, voici le chant. Dansez maintenant. Voici le chant. Dansez maintenant. Voici le chant. Alors bonjour à toutes et à tous et je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau numéro de votre émission Dansez maintenant avec au programme bien sûr toutes les rubriques que vous aimez. Arlette sera présente bien sûr à nos côtés, il y aura Joss et il y aura Christophe Pesset aujourd'hui pour la partie accordéon. Une émission donc consacrée à la danse, vous le savez, et on aime vous proposer différentes choses et différentes petites surprises. Aujourd'hui il y aura même quelques dédicaces, je ne vous dis que ça. Bienvenue donc à toutes et à tous, et bien il est temps de commencer l'émission. Eh oui, c'est si doux. L'orchestre Tendance, Hubert Ledin, Éric Colomb, on vous chante le cha-cha-cha. Je danse avec toi jour à jour. C'est si doux, c'est si doux. Quand dehors de ce qui n'est pas nous, j'oublie tout, j'oublie tout. Quand je sens ta main serrer ma main, c'est si doux, c'est si doux. Qu'avec toi je partirai demain, n'importe où, n'importe où. Mon bonheur brille au fond de tes yeux, aussi pur qu'une étoile du ciel. Mais j'ai peur que mon rêve audacieux m'apparaisse irréel. Et pourtant quand tu me dis tout bas des mots fous, des mots fous, dans mon cœur tout à printemps est là. C'est si doux, c'est si doux. Pourtant quand tu me dis tout bas des mots fous, dans mon cœur tout un printemps est là. C'est si doux, c'est si doux. Eh bien, après avoir dansé le cha-cha, moi je vous propose de vous reposer un tout petit peu avant de continuer la danse en vous relaxant tranquillement dans votre bain. C'est vrai qu'on est si bien, comme le disait Henri Salvador, dans son bain. Allez, on chante. Ah, on est bien quand on

Ah oui, quand on danse la Java, on met les mains où on veut, hein. Ça, on fait ce qu'on veut. C'était donc l'orchestre Tendance, Éric Colomb à l'accordéon, avec cette superbe Java, la fusée. Et puis maintenant, une petite dédicace reçue par mail cette semaine, c'est pour Arlette et André. Voici donc sur demande, sur la lune, il n'y a pas de rose. Vicky Léandros. Si un astronaute me disait, viens, je t'emmène avec moi, on s'envolera tous les deux vers la lune. Je répondrai, non, non, monsieur, je n'irai pas là-bas, je suis heureuse ici. Sur la lune, il n'y a pas de rose. Sur la lune, il n'y a pas de clair de lune. Pas d'amour, pas d'amis, pas de pommiers fleuris. Il n'y a pas d'Italie. Mon amour, pour le reste de ma vie. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Sur la lune, il n'y a pas de Sorgia FM, dansez maintenant, Hubert Ledan. Nous allons rester dans la belle chanson grâce à Arlette qui vient d'arriver dans le studio. Bonjour Arlette. Hello mes chers amis, bonjour. Bonjour Hubert. Alors qu'est-ce que tu vas nous proposer ? Avec les beaux jours qui reviennent, nous commençons à ressortir nos vêtements d'été. C'est vrai. Mais c'est dur. Oh, surprise ! On a du mal à les attacher. C'est vrai. Alors, première réaction, faire un petit régime. Eh oui, et c'est ainsi qu'en 1958, Henri Jeunesse nous chante un tango composé par Jean Séti, « Maigrir ». Et si nous le dansions, ce tango, ça nous ferait peut-être perdre 50 grammes. C'est sûr. Allez, maigrir et cet Henri Jeunesse. Maigrir, qu'il faut donc faire pour maigrir. Maigrir, devenir mince comme un roseau, n'avoir plus que la peau sur les os, quel beau tableau. Maigrir, ne plus monter sur les bascules pour voir les effets ridicules des petites pilules. Maigrir, oublier les peines des vapeurs où l'on misote pendant une heure comme un souffleur. Maigrir, maigrir, mais qu'est-ce qu'il faut en faire pour maigrir? Et quand je vais dîner chez les Dupont, ils me disent, fais donc attention, tu vas craquer ton pantalon. Et pendant qu'ils dévorent sans façon de la soucroute et du jambon, je mange une biscotte à l'oignon. Et lorsque je rentre à la maison, ma femme me fait une infusion pour pas que j'aie de l'indigestion. Mais malgré ce régime de forçat, le grand ceinture ne bouge pas. Voilà pourquoi je murmure tout bas. Maigrir, ne plus faire le tour du grand bois tous les matins au moins trois fois sans résultat. Maigrir, ne pas croiser toute une patrouille de gens d'esprit qui vous gazouillent, vise la bonne bouille. Maigrir, pouvoir dévorer à sa faim n'importe quoi, soir et matin avec tout pain. Maigrir, maigrir, mais qu'est-ce qu'il faut donc faire pour maigrir? C'est devenir lésé comme l'oiseau, c'est patiner sans casser la glace en morceaux. Maigrir, c'est réussir des entressas aussi lésé qu'un petit rat de l'opéra. Maigrir, malgré tout, c'est mourir un peu. Et comme les gros sont tous joyeux, j'en fais l'aveu. Maigrir, maigrir, non, ça ne veut plus être un martyr. Maigrir, maigrir, non. Nous sommes en 1970 et Marie-Paul Bell, elle aussi, s'attaque à l'embonpoint. Mais pour elle, c'est l'effet inverse qui se produit. Elle pleure ses kilos perdus avec cette chanson, mais bourrelet d'antan. Écrite par Françoise Mallet-Joris et composée par Marie-Paul Bell, c'est une jolie valse et Marie-Paul Bell la chante avec beaucoup d'humour. Mais bourrelet d'antan. Écoutons. Quand je pesais 120 kilogrammes comme un éléphant, j'occupais, c'était tout un drame, trois places dans le métro. Quand je prenais une caravelle, ça penchait d'un côté. Quand je montais sur gorge, je prenais le modèle au-dessus. Maintenant j'ai l'air d'un sucre d'orge et je n'en porte plus. Tous mes amants, pour mieux me plaire, m'offraient en même temps avec la clé de leur frigidaire celle de l'appartement. Poussant mes bourrelets. Perdez vos calories. Maintenant ma main se rétonne, je ne plais qu'aux couturiers. Ils m'habillent mais il n'y a plus personne pour me déshabiller. Où sont mes bourrelets d'antan, mes doubles menton, c'est épuisant. J'ai tout perdu avec ce régime. Yeah,

pour nourrir les poules, les cochons. 1, 2, 3, 4, le compte est bon. Mais c'est au lit que ça me gêne un peu. J'y ai déjà dit et tu me rends nerveux. C'est vrai, j'ai rien contre le sport, mais elle compte pendant nos transports. C'est radical, ça me coupe la chic. Alors je retourne à ma technique. Et 1, je retire le bouchon. Et 2, je mets un petit glaçon. Et 3, je verse la boisson. Et 4, je me rince le siphon. Au revoir à tous et à la semaine prochaine pour d'autres souvenirs. Au revoir Hubert. Au revoir Arlette. Borgia. Bravo. À présent, voici le chant. Allez, on continue en toute simplicité avec Richard Cocciante, bien sûr. Tu m'as dit des mots d'amitié, l'amour s'est glissé en moi avec simplicité. Petits mots parfumés d'oiseaux sont tombés du ciel avec simplicité. Je ne crierai plus au secours, le chagrin d'hier tourne court, c'est toi qui l'as tué. Avec simplicité. Porte pas ma chanson d'amour inventée pour toi avec simplicité. Qu'elle soit belle ou non, ma chanson, elle suit le fil de ta voix avec simplicité. Je n'ai plus de fête sans toi, la seule fête. Pour moi, c'est seulement t'aimer avec simplicité. Et je sais très bien désormais pour qui j'ai envie de chanter. Il y a ton orage dans l'air, il y a ton sourire sur la mer, il y a ton éclair, ton électricité. Le printemps peut battre au tambour, la fleur qui fait mon cœur moins lourd, c'est toi qui l'as semé avec simplicité. Et je sais pour qui désormais le soir j'ai envie de chanter. Il y a ton parfum doux amer, cette eau pure au cœur du désert. Il y a chaque nuit sur mes nerfs cette éventualité de ta simplicité. ta simplicité. Avec simplicité, c'était donc Richard Cosciante et on va retrouver maintenant la rubrique présentée par notre ami Christophe Pesset. Dansez maintenant sur Sorgia FM, Hubert Ledan. Christophe Pesset, accordéon, nouvelle vague. Bienvenue. Merci Hubert et bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous passez un agréable moment, que de beaux morceaux depuis le début de cette émission. C'est vrai. Alors, je vous l'avais annoncé la semaine dernière, oui. On avait parlé d'Yvette Horner, et bien on continue à découvrir son album. Très bien. Qui va sortir le 21 mai, qu'on se le dise. Tout de suite un duo avec Richard Galliano qui s'appelle Nos Siennes, numéro 3. Richard Galliano, Yvette Horner. C'est magnifique. Et oui, on a l'habitude de l'accordéon musette festif pour danser. Eh bien, l'accordéon peut être aussi mélancolique, plein d'émotions, comme nous le prouve Yvette Horner avec cet album Yvette hors norme et ce morceau en duo avec Richard Galliano. Tout de suite, eh bien, un dernier extrait, cette fois-ci avec Mathieu Gonnet. Je vous souhaite une bonne semaine. Merci Hubert, bonne continuation. Tout de suite, la musique, c'est le cœur qui bat, Yvette Horner. N'oubliez pas, sortie dans les bacs le 21 mai. Salut Kiki. Musique. La musique, quel beau langage. Le langage musical est universel. Oui, la musique est un sentiment de tendresse, ce qui permet d'exprimer l'amour, sa pensée, ses émotions. Dansez maintenant sur Sorgea FM, Hubert Ledan. Dansez maintenant, voici le show. Thank you. Sorgia FM, dansez maintenant, Hubert Ledan. Sorgia. Duo, en chanson, avec Joss. Eh bien bonjour, bonjour Joss. Bonjour Hubert. Les duos aujourd'hui, qu'est-ce que tu nous proposes ? Aujourd'hui, ce sera un spécial Star Academy. C'est une très bonne idée. Alors, dans cette Star Academy, il y avait qui, par exemple ? Sophia. Sophia et Sadie. Est-ce que vous en souvenez ? Moi, je m'en souviens. C'était en 2004. Je crois que c'était la Star Academy numéro... 3. 3, exactement. Quelle culture ! Alors, un duo. Mais avec qui, alors ? Avec Lara Fabian. Ah oui, j'adore ça. J'y crois encore, sorti en 2001, dans l'album Nu. Ah oui, très bel album, d'ailleurs. Voilà. Alors, écoutez, Sophia et Sadie et Lara Fabian. Rien ne parle, rien ne bouge. Arrêt sur écran vivant. Isolé, vaincu sans doute, aliéné par mes abattements. J'aimerais qu'on me ramène. Je ne reconnais plus les gens. Seul tout au fond de ma ce nouveau la grave enterré par le sable nouveau et me souvenir de celle qui n'existe plus moi redevenir la rebelle et la bête vaincue par l'enfant j'y crois. Magnifique duo avec Lara Fabian, Sophia et Sadie. Je ne connaissais pas cette voix, mais elle est magnifique. Tu peux nous en dire un peu plus sur Sophia ? Oui, hormis quelques passages au cinéma dans Is No Good, ah oui, en 2005, Aïcha en 2007, oui, elle a fait deux albums. En 2005, Mon Cabaret. Mm-hmm. En 2011, Si c'était un jeu. C'est une grande artiste qui est malheureusement pas assez souvent sur la scène française, c'est à vrai. Mon goût. Oui, moi aussi. Mais qui, à côté de ça, a une vie artistique épanouie. Oui. Elle s'implique dans plusieurs associations, comme par exemple celle contre la mucoviscidose. Je crois que c'est l'association pour Grégory Lemarchal. Tout à fait. Qui était un de ses amis. Et puisqu'on est avec la Star Academy, on va y rester puisque Lara Fabian s'est beaucoup impliquée, elle, pour la Starac, avec des duos toujours plus beaux les uns que les autres. Et je crois que tu nous proposes un autre duo. Eh oui, exactement. Tu es mon autre. Vous vous souvenez, à la base, c'était Lara Fabian avec et Morane. Morane, voilà, exactement. Et cette fois-ci, c'est avec Nolwenn Leroy. Très grande voix aussi, qui a participé à la Star Academy numéro 2, je crois. Exactement. D'ailleurs, qu'elle gagnera en 2002, face à Ossine. Ah oui, Ossine, très belle voix aussi, d'ailleurs. On le voit plus, celui-là. Oui, dommage. Bah, oui. Eh bien, Hubert, découvrons ces voix qui nous laissent sans voix. Bien écoute Joss, je suis vraiment très heureux d'avoir redécouvert ces très belles voix de la Star Academy. Eh bien ça m'a fait très plaisir de te faire découvrir ça, j'espère que nos chers auditeurs auront eu autant de plaisir que toi. Merci en tout cas, et puis je pense qu'on se retrouve dès la semaine prochaine. Avec plaisir. Avec d'autres surprises. Eh oui. Au revoir. Au revoir Hubert, au revoir tout le monde. Duo, en chanson, avec Joss. dansez maintenant sur Sorgea FM, Hubert Ledent. Agréable, des musiques simplement douces, douces comme la France. Ce dernier titre, il vous est proposé d'ailleurs dans cette émission, puisque on va se quitter pour cette semaine et on va se retrouver avec un grand plaisir dès la semaine prochaine. Encore un grand merci à toutes et à tous et puis je vous embrasse tout simplement et puis je vous dis, allez, à la semaine prochaine. Ciao, bye bye. Sorgia FM. Sorgia FM.